les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le spectacle vivant et l'audiovisuel, ce n'est pas le même monde. Dans le spectacle vivant, on est en direct, on n'a pas le droit à l'erreur. Que ce soit au cours d'une représentation théâtrale ou durant un spectacle de danse ou encore à l'opéra, alors que chante la diva, on doit être bon, excellent, que l'on se trouve au premier plan ou loin des spectateurs. Être figurant ou artiste de complément. Il faut être vigilant. Et il faut avoir le physique de l'emploi. Grand Angle, première diffusion sur France Culture le 19 mars 1994. Verbe figurer. Figurer, synonyme de figurer, apparaître. Apparaître dans un film, c'est-à-dire, pour moi, un figurant, c'est quelqu'un qui ne parle pas dans un film. Dès qu'on parle, on devient, je pense, un acteur. Donc un figurant, c'est quelqu'un qui, comme, en fait, comme un peu un décor. C'est un peu péjoratif, mais bon. Grand Angle. Aujourd'hui, le physique de l'emploi, ou être figurant, par François Angelier. Actuellement, c'est vrai que les flics ressemblent à des loubards, mais avant, c'était pas le cas. Non, je le prendrais pas pour ce rôle. Celui-là, à l'opéra, oui, c'est quelqu'un qui ne chante pas. Voilà, méchant mais pas loubard. Ouais. Il peut être on peut le prendre pour sans un. Sans figurant, on verrait pas les révolutionnaires. Le flic sympa qui va être dans... En interrogatoire, c'est le gentil. C'est le gentil, ouais, c'est le gentil. C'est un monsieur qui est solide au poste. Celui-là, oui, je le prendrais. Bon, il a... Pour donner vie à un film, quoi. Puisque sans figurant ou figurante, il n'y aurait pas de film. Oui, avec une moustache, je le verrais bien. C'est pas réel. Totalement la tête de l'emploi. Alors, décrivez-nous son visage. Alors là, j'ai plusieurs photos. Alors, j'ai une photo cheveux courts et j'ai une photo cheveux longs. Alors, bien sûr, il faudra le recevoir ou au moins l'appeler pour lui demander s'il a les cheveux courts ou longs. Et puis s'il a les cheveux longs, s'il accepte qu'on lui coupe. Un menton carré. Il a un menton carré. Ils passent, repassent, on les mouille, on les assemble, on les décale, on les recale. Leur métier, c'est d'être là, mais n'est pas là qui veut. Il faut savoir être là et rien que là. Être là sans avoir l'air ailleurs ne s'apprend pas. C'est un don, celui du figurant. Le cinéma les engloutit par foule entière, l'opéra les veut impliqués, précis et présents. La danse en fait des auxiliaires secrets, fondus dans le corps du ballet. On les nomme figurants, silhouettes ou artistes de complément. Parfois ils se disent qu'ils auraient pu, qu'ils auraient dû, qu'ils vont peut-être que bientôt, sans doute, qu'un jour, qui sait. Mais non, leur vie c'est d'être là, tête faite, costumée, à l'heure. Être là, tout le monde y arrive, mais être vraiment là, c'est le secret du figurant. Monsieur Jarion, c'est le décor de quoi, là, que nous avons sous les yeux? Eh bien, il paraît que c'est le décor de La Flûte Enchantée. Je ne peux pas vous en dire plus, que je ne connais pas, vraiment l'ouvrage, mais j'avoue que c'est un peu étrange. Bon, je ne peux pas vous en dire plus. Et vous êtes figurant depuis combien de temps? Oh, ça fait assez longtemps que je suis figurant. Je suis avant tout comédien, mais à mon âge, on ne se fait pas d'illusions. Moi, pour moi, le théâtre, c'est une passion. J'aime aussi bien le théâtre que j'aime l'opéra ou l'opérette. Donc, mon activité se situe, si vous voulez, en tant que comédien, un peu au théâtre, un tout petit peu au cinéma, et ici, à l'opéra, en tant que figurant. Et vous êtes allé à Garnier avant? Non, j'ai jamais eu la chance, et je n'avais pas fait la connaissance trop rapidement de notre cher ami Yvan à Garnier, donc trop tard à ce moment-là, puisque maintenant c'est Bastille. Et depuis, ça fait pas mal de temps que je suis à l'opéra Bastille. Alors Yvan, vous avez recruté M. Jarion pour quel rôle cette fois-ci? Il est souvent prêtre, mais là tu es pas prêtre. Ah non, je suis pas prêtre, là, tu es dans Carmen, ça. Tu es courtisan. Oui, courtisan. Oui. C'est ça. Oui. Et tu as été... J'étais donc prêtre et évêque dans Carmel. Dans Electra, tu étais un des deux prêtres. Un prêtre, oui, un prêtre justicier, paraît-il. Dans Carmel, un prêtre. Un prêtre aussi dans Carmel, oui. Ça te poursuit, tu dois avoir... Voilà, oui, sans doute, je sais pas. Trouver le bon figurant, celui qui comprend qu'un vrai albardier est plus qu'un simple porte-lance... À l'Opéra Bastille, c'est la charge d'Ivan Kamenerovitch. Le premier spectacle que j'ai fait comme régisseur ici, c'était Moïse de Rossini, au Palais Garnier, c'était en 83. Et un soir, j'ai un ami qui vient me voir un comédien qui me disait est-ce que je peux me mettre dans la coulisse, et puis c'était tout près du début de la représentation, mais il lui dit écoute, si tu veux tellement voir, il y a un figurant qui n'est pas là, tu mets le costume qui est là et tu verras mieux que tout le monde. Et je l'ai mis dans le costume. Et après, les assistants m'ont dit, mais qui c'est ce type? Il est formidable. Il a une présence très bien. Et bien il tenait une hallebarde, où il ne faisait pas des choses, il n'aurait pas pu au dernier moment faire. Mais on sent, la qualité de présence n'est pas la même entre quelqu'un qui est pendu là, qui est pendu à sa hallebarde, et quelqu'un qui a conscience de faire partie d'un tout dont il est un élément nécessaire. Pas le premier, mais nécessaire. Mais je veux dire par là que l'intervention scénique, la qualité de présence scénique, est équivalente pour tout le monde. C'est au point que, par exemple, chez Bob Wilson, ce sont souvent des, appelons-les des figurants, on les appelle mimes, peu importe, ce sont des figurants, c'est le terme, je ne veux pas qu'il soit péjoratif, et ce sont des figurants qui travaillent avec les chanteurs et qui leur montrent ce que le metteur en scène attend d'eux, parce que les chanteurs sont moins habitués à une souplesse, se sentent moins instrumentaux, si vous voulez, parce qu'ils prennent leur avion, ils vont chanter dans une autre flûte la semaine d'après, et bon. C'est un peu différent. Il y a des bons et des mauvais figurants, il y a des bons et des mauvais comédiens, il y a des gens dont la présence sur scène est bonne ou n'est pas bonne. Même pour tenir une hallebarde en restant immobile, il y a des gens qui seront bons ou pas bons. Je me souviens d'un garçon qui était l'un des garçons les plus râleurs que j'ai jamais rencontré, mais que j'aurais engagé tout le temps, parce que c'est un type que j'aime bien. De temps en temps, il venait me voir, puis il m'expliquait tous ses griefs que j'écoutais, puis il n'avait souvent pas tort d'ailleurs. Bon, il râlait, et quand il était sur scène, on reprenait 10 fois la même scène, et sur 10 figurants, il y en avait un qui reprenait sa lance pour refaire le 10e truc, c'était lui. C'est-à-dire qu'il c'est quelqu'un qui avait une conscience et un respect de la scène, la hiérarchie, elle est là. Alors vous, monsieur, la figuration, c'est... Comment ça a démarré? Comment c'est arrivé? Est-ce que c'est un désir? Est-ce que c'est... Eh bien, écoutez, non, moi, au départ, c'était... C'était en fait un travail. Moi, la figuration, ça s'est passé un peu à l'inverse. C'est-à-dire que c'est elle qui m'a amené au théâtre. C'est à l'opéra que j'ai découvert une passion, que j'ai eu envie de pratiquer, d'être plus souvent sur la scène, etc., de faire plus de choses, peut-être encore, que dans la figuration. Et donc, voilà, quoi, j'ai... Il y a d'autres questions, non? Vous faites quoi, là, à ce moment-là? Ce soir, vous faites... Alors, moi, là, actuellement, je suis pas à l'opéra. Le dernier spectacle que j'ai fait, c'était Les Brigands, de Jérôme Deschamps, enfin, monté par Jérôme Deschamps. Bon, là, je faisais une espèce de... un laquais, ouais, si on peut dire, un laquais qui tenait... J'étais un peu hallebardier, étonnamment, puisqu'il y avait beaucoup de comédiens et tout. Donc, du coup, nous, on s'est retrouvés à faire pas beaucoup de choses. Par contre, j'ai eu des spectacles où... Moi, c'est surtout mon emploi, ça a été surtout jusqu'à maintenant les soldats, les guerriers, voir les brigands un petit peu. Bon, j'ai surtout ce type d'emploi, quoi. J'aime bien parce que moi, ça m'a fait découvrir la scène, quoi, vraiment, l'opéra. Ça a été, je vous dis, ça m'a entraîné sur des choses qui maintenant me... Enfin, je veux en faire ma vie, quoi. Hein. Ouais, maintenant, c'est vraiment une intoxication. Ouais, j'y ai eu droit, là. Et... Je l'ai vu, je suis témoin. Je l'ai vu en scène plusieurs fois. Et j'ai beaucoup aimé certains metteurs en scène que, en fait, il y a une fidélité aussi vis-à-vis des figurants qui se fait avec les metteurs en scène. C'est-à-dire qu'ils aiment bien retrouver les gens avec qui ils ont travaillé. C'est donc que ça a quand même une certaine importance et que l'écoute des uns n'est pas la même que celle des autres. Et bon, moi, par exemple, Pizzi, j'ai beaucoup travaillé avec lui. J'ai fait presque tous ses spectacles en figuration, ainsi que Peter Sellars ou des gens comme ça, quoi, avec qui j'ai, même en tant que figurant, pris un grand plaisir à travailler. Et le bon figurant, c'est celui qui sait attendre, parce qu'on attend beaucoup, parce que évidemment, on est un peu... Je dirais pas qu'on est les derniers de la liste, mais on est... On est là pour agrémenter le spectacle, pour donc c'est à des moments, c'est pas souvent, c'est pas sur la longueur d'un acte, c'est à des petits moments. Et donc c'est savoir attendre, c'est se donner, ne pas se dire qu'on est là juste pour de la figuration. Si on est là comme un abruti, qu'on a une dégaine de, je sais pas, je dirais de les mains dans les poches, etc., pour faire un soldat, oui, comme vous là par exemple, c'est pas bien ça. Hein. Bon, c'est vrai, mais pour le moment. Donc, bon, c'est pas possible, quoi, ça passe pas. J'ai déjà vu quelqu'un se faire renvoyer de la scène comme ça parce qu'on était 20, il se croyait caché par les autres et il avait une dégaine de ça correspondait pas du tout. On était là pour faire des guerriers, c'était une scène assez rude, etc. Donc bon, ça demande pas grand-chose, mais à la fois, faut quand même être assez attentionné dans ce qu'on fait, quoi. Et être vigilant, surtout, parce que c'est des courts moments, souvent, et faut être là à ce moment-là, quoi. Et puis, c'est aussi se rappeler de ce qu'on a à faire, ne pas se planter, justement, encore une fois, sous prétexte que, bon, on fait de la figuration et que si on rate l'entrée, c'est pas grave. Non, parce que c'est compris dans une mise en scène et c'est ça qui est intéressant quand même dans le travail et qui est quand même un travail de... Je dirais, moi, je me sens comédien quand je fais de la figuration parce que je me donne, même si c'est un petit truc, une apparence... Il y a quand même souvent, il y a, je crois, 2800 places à l'Opéra Bastille. Et bon, c'est souvent plein ou aux trois quarts, et du coup, bon, ça oblige à, enfin, vis-à-vis du public et vis-à-vis même du travail qu'on a effectué, parce que souvent c'est un mois, deux mois de répétition, et on assiste à toutes ces répétitions, quoi. On dit parfois à la comédien qu'il en fait trop. Est-ce qu'un figurant peut en faire trop ? Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui. Par exemple ? Bah, par exemple, justement, moi je dirais que un figurant, c'est il devient vraiment, enfin, il a vraiment le côté, je dirais, un peu négatif du figurant quand il en fait trop. Vous voyez, quand justement, on lui dit, bon, tu es là, tu es un courtisan, bah, je prends un exemple, courtisan, parce que ça revient souvent dans la figuration, et que le type se dit, bon, je suis un courtisan, donc je dois avoir des manières de pédant, de machin, de truc, et le mec va en faire beaucoup trop, il va donner... c'est pas ce qu'on lui demande, quoi. Hein. Faut essayer de rester simple, tout en vivant ce qui se passe sur la scène au moment où ça se passe, quoi. Si on doit avoir des réactions, alors des fois, par exemple, on se dit tiens, tout le monde pleure, il faut que je pleure. Et non, en fait, justement, les figurants là, à ce moment-là, ils doivent rigoler parce qu'ils représentent. Donc, ce qui est bien, c'est de savoir quel personnage on fait et pourquoi on est là au moment où on est là. Et quand on est là, bah, essayer de le, voilà. Est-ce que vous chantez? Moi, ouais, mais alors très très intimement, quoi. Enfin, seul, seul et devant personne. Le figurant de théâtre, il peut se dire bon, j'ai un petit rôle. Si le premier rôle tombe malade, je peux peut-être le remplacer. Vous, c'est pas pareil. Parce ah si, non, là, bah voilà. Si Nikolaï Gurov tombe malade, bah rien à faire. Ouais. Hein, ouais, ouais. Ou alors beaucoup de travail en peu de temps, quoi. Mais on s'en sortira pas, non. Non. Il a existé donc le temps où les gens venaient vers 5-6 heures du soir dans la cour du Palais Garnier en face des galeries Lafayette, et puis dans l'ordre où ils arrivaient, ils se mettaient et on les empochait, ils mettaient leurs armures, leurs trucs, on leur disait « toi tu mets ça, et en avant, il en faut 20 ici, 30 là, ou 4 ou 5, bon bref ». Et ce qui se faisait dans des mises en scène de nombre, où il y a encore des mises en scène où il y a beaucoup de monde sur scène, mais on ne pouvait pas demander une participation artistique à des gens, évidemment, qu'on recrutait de cette façon. Moi, je n'ai pas connu cette époque-là. J'ai encore connu une époque où ça se fait, j'ai l'impression, au cinéma aujourd'hui, si vous voulez. Bon, les gens viennent le matin d'un tournage, ils savent qu'il va y avoir un truc. Bon, on prend les 50 premiers. Bon. C'est vrai que moi, je fuis beaucoup ce genre de rapport. Je m'aperçois que les metteurs en scène qui viennent ici sont souvent sensibles, ils me l'ont souvent dit, à la qualité de la figuration qu'ils ont, parce qu'il y a des tas de gens intéressants, il y a des tas d'artistes qui travaillent peu, pourquoi ne pas prendre cela ? Non seulement ils ont des raisons d'être sur une scène, mais ils y sont, leur présence est d'une qualité supérieure à celle d'autres. Bon, moi je suis quand même quelqu'un d'assez contemporain, hein. Donc des personnages plutôt contemporains. Peter Sellars. C'est... Ouais, voilà, Peter Sellars, j'adore. Non, mais en fait, ouais, moi j'aime bien quand je suis à l'opéra, tant qu'à faire une figuration, je préfère faire un soldat plutôt qu'un laquais, voilà. Au choix. Alors, monsieur, on va rebondir. Vous préférez quoi, les soldats ou les laquais? Ah non, moi je préfère les laquais. Ah bon? Ah bah oui. Et pourquoi ça? Oh, je ne sais pas, les laquais, c'est joli, les laquais. Affaire de costume, affaire de disposition scénique, affaire de tempérament. C'est une plaisanterie, mais c'est vrai qu'on est souvent employé pour faire des laquais, ça arrive souvent. Mais les laquais sont différents, il y en a qui bougent leurs bras, il y en a qui ne bougent pas leurs bras, il y en a qui ont le droit de regarder ce qui se passe sur scène, il y en a qui doivent rester le regard dans le vide. Enfin, c'est toute une histoire, hein. C'est pas si... Et vous êtes venu à la figuration comment, alors ? Moi je fais des études de chant. Et au bout d'un moment, s'est posé le cruel dilemme de payer mes cours de chant. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer Yvan. Et voilà, moi, je me sens parfaitement heureux ici parce que je suis dans le milieu qui me plaît, quoi. Et puis, outre le fait d'être sur scène, il y a tout un côté underground de la figuration qui est très intéressante, à savoir assister aux répétitions, regarder les chanteurs, voir un orchestre, enfin, être sur les lieux de... La création du spectacle, c'est assez génial à observer. Alors vous appartenez à une catégorie de figurants qui est le figurant observateur, c'est-à-dire celui qui vient là pour à la fois observer... Bah, disons, moi j'essaye en tout lieu de prendre ce qui m'intéresse. C'est vrai que quand il faut jouer, je joue. Et quand il ne faut pas jouer, comme disait Gérard, on attend souvent. Le bon figurant a beaucoup de patience. Là, j'aime bien employer mon temps, oui, à regarder. Et vous faites du chant lyrique ? Oui. Donc tenir une hallebarde à 2 mètres du plus grand ténor du monde, c'est quand même intéressant. C'est génial. Alors racontez-nous ça. Vous avez tenu une hallebarde ou je ne sais trop quoi. Non, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai coiffé la Manon Lescaut une fois. Hein. J'ai été coiffeur de Manon, donc à l'acte 2, elle est assise sur sa chaise, elle chante son air et elle parle à son coiffeur en lui disant le fer à quoi ? À friser, la poudre, etc. Il faut poudrer la Manon. Oh, bah, c'est... Vous avez observé la manière dont elle chantait ? Oui, bien sûr, ça c'est des choses... Vous avez été tenté de lui répondre en chantant ? Non. On est à l'Opéra de Paris. Tout le monde le sait. Si vous n'avez pas cet espoir, on sait que Toscanini, par exemple, a commencé sa carrière alors qu'il était violoncelliste en remplaçant au pied levé à chef d'orchestre. Vous avez l'espoir un jour de remplacer au pied levé Ici, non. Non ? Non, il ne faut pas rêver. Non, mais c'est joli de penser à ça. C'est sympa d'avoir ce genre d'image dans la tête. Mais à l'opéra, non. Non, à l'opéra, non. Ceci dit, ça n'empêche pas d'aller chanter à côté quand... Mais il y a quand même une frustration de ne pas chanter, alors qu'on fait des études de chant, on a envie de chanter, et puis... Ah. Il faut savoir où on est dans la vie, hein. La frustration, elle est plus... Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est à l'opéra qu'il y a plus de frustration que quand je rentre chez moi le soir. J'aimerais bien pouvoir chanter plutôt que faire de la figuration pour l'instant. Pour l'instant, j'apprends. C'est un rapport de charme, comme toujours dans le spectacle. C'est-à-dire que si le metteur en scène fait passer de personne à personne un charme qui opère, ça marche. Si il prend un côté administratif, autoritaire et cassant, ça marche mal. Il aura effectivement des gens qui seront déguisés en fêtards, qui ne sauront pas pourquoi. C'est la façon dont le metteur en scène leur insuffle ce qu'il veut faire. C'est avec eux que le metteur en scène est le plus. Donc c'est avec eux, autour d'eux, en eux, par eux, un peu pour eux, que la mise en scène se sculpte, si vous voulez. S'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut, et on rajoute un service, bon, c'est pas un problème pour la figuration, c'est impossible pour les chœurs, c'est compliqué pour les artistes qui sont fatigués, les figurants, ils ont envie, dans le cas où ça marche bien, ce qui est souvent le cas, où le metteur en scène fait passer son truc, les figurants ont envie de répondre. Si ça marche pas, ils ont envie de répéter une fois de plus, bon, ça leur rapporte plus, c'est tant mieux aussi, c'est évident. Mais ils n'aiment pas non plus passer 10 répétitions à ne rien faire et à attendre, ça les démotive et... C'est pas toujours une question financière. Faut qu'il y ait un sentiment de la nécessité. Oui, bah oui. Quelquefois, les gens attendent inutilement parce que le metteur en scène veut avoir son monde autour de lui et ça, c'est pas les cas les meilleurs. Ma porte coupe-feu à maintenir fermée. Oui, donc elle ça, est toujours ouverte. Pour la sécurité. Oui, voilà. Enfin, quand elle est toujours ouverte, mais elle est marquée à maintenir fermée. Oui, oui, oui. Non, mais ça. Aussi, ces murs sont supposés être des murs, je suppose, qui soutiennent. Vous y verrez des fissures dans lesquelles on peut mettre le doigt, mais sûrement c'est normal. Alors là, il y a des noms, je Alors, vois. Là, il y a les noms d'un spectacle qui est terminé, mais c'était la loge de la figuration femme des soldats. Alors, pouvez-nous citer les noms, hein? Karine Marzac, Gillian Gilles, Annie Marchand, Christine Narovitch, Marina Frigeni. Nous sommes quatre personnes à travailler au service figuration. Alors, la figuration regroupe toutes les personnes du spectacle qui acceptent de faire de la figure. Voilà. Alors, qui acceptent de faire de la figure, pourquoi ouais. c'est pas évident? Les gens n'acceptent pas forcément? Ah ben non, ils sont pas obligés. Un comédien n'est pas obligé d'accepter. Hein. Il fait ça, c'est. La figuration est réservée aux gens du spectacle pour mettre un petit peu de beurre dans les épinards à la fin du mois. Voilà. Mais alors, il y a pourtant des figurants professionnels dont c'est le métier. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a quelques-uns, vraiment de très très anciens, mais autrement non. C'est tous des gens du spectacle qui ont une formation dans le spectacle. Comédiens débutants, danseurs, chanteurs, musiciens, même la partie technique, ceux qui acceptent de faire de la figure. Il n'y a pas de figurants professionnels. Ils ont tous, à la base, une profession bien définie. Chez nous, hein, je parle de chez nous. Hein, maintenant, bon, là, un peu spectacle. On exige de toute façon pour les jeunes de moins de 25 ans 2 ans de cours d'art dramatique. Et au-delà de 25 ans, 507 heures de travail dans leur profession. Mais ça accréditerait la thèse que le figurant est un comédien qui a raté son coup? Non, pourquoi? Un comédien peut très bien avoir un rôle de comédien et puis un beau jour, bon, ne rien avoir et faire un peu de figure pour se dépanner un petit peu. Non, pourquoi? Non, pas du tout, je suis pas d'accord avec vous là-dessus. Mais au bout d'un certain nombre de figurations et disons simplement de figurations, on finit pas par se demander si la... Si ça ne va pas durer éternellement, il n'y a pas une espèce de malchance comme ça? Non, parce qu'en général, ils arrivent quand même dans leur branche à faire quand même des petits trucs, heureusement. Hein, parce que sinon, effectivement, un danseur ou une danseuse, bon, bah, il a quand même du travail dans sa branche. Il peut avoir des contrats 3-4 mois, puis avoir un trou, donc il accepte de faire de la figure. Mais vraiment, celui qui ne fait que ça, non. Ils ont tous un petit job à côté dans leur profession. Donc la figuration, c'est quelque chose, disons, de latéral, un peu. Voilà, c'est un complément. C'est un complément, voilà. À Paris, le plus grand vivier de figurants, c'est l'ANPE Spectacle, retranché sur les lieux de l'ancienne Alhambra, au 50 rue de Malte. Un fichier géant qu'on peigne tous les ans, à savoir qu'on épouille de ses erreurs, dont on réactualise les photos et les mensurations. Des dossiers à jour sont les moyens techniques mis à la portée des directeurs de casting. Edgar Dana. Pour nous, en tout cas, c'est quelqu'un qui est un professionnel du spectacle, qui accepte des emplois d'artistes de complément, de la figuration, pour nous. Je ne pense pas que cette définition soit retenue par tous. C'est d'ailleurs des emplois, des jobs qui sont tellement simples à tenir que tout le monde est capable de les tenir. Mais pour ce qui nous concerne, notre position, c'est que le peu d'argent qu'il y a dans le spectacle doit rester aux gens du spectacle. Et c'est pourquoi nous avons développé cette conception de n'offrir ces emplois qu'à des artistes ou des techniciens professionnels du spectacle. Et quels sont vos moyens de surveillance, si on n'en a aucun. On n'a aucun. C'est l'accompagnement qui intéresse les régisseurs ou les assistants qui passent par nous. C'est nos salles d'audition, c'est nos fichiers en bon ordre et dont les photos et les mensurations sont mises à jour au moins une fois par an. C'est notre personnel qui connaît bien les caractéristiques du public qui accepte de faire de la figuration. C'est les téléphones qu'on offre aussi. C'est plutôt ça, nos moyens. On n'a absolument aucun autre moyen à notre disposition. De rétorsion, on n'en a pas. Vous ne pourriez pas interdire un directeur de casting dont vous savez qu'il a fait massivement du casting sauvage, l'accès à votre fichier pour cette raison? Non. Notre seul critère, c'est la régularité de l'offre d'emploi qu'on présente. Si l'offre d'emploi n'est pas très régulière, on dira que ça ne nous intéresse pas et qu'on ne veut pas travailler dans ces conditions. On essaye de respecter le au plus près les conventions collectives que les partenaires sociaux ont signées dans ce secteur. Mmh. Il y a 65 000 intermittents en France, dont 35 000 en Île-de-France, et les 30 autres 000 répartis sur le territoire. Avec 400 000 à Marseille, enfin Marseille en Provence-Alpes-Côte d'Azur, presque autant en Rhône-Alpes. Avec quand même des poches de concentration. Oui, Lyon, c'est vrai, Marseille-Nice, Montpellier. Toulouse ? Un peu. Une autre question, un figurant, ça touche combien ? Ça se situe selon, enfin, dans Paris et la Petite Couronne. Hein. Les conventions collectives sont négociées seulement pour Paris et la Petite Couronne. À partir de 450 francs. Et à 1000 francs, 1200 francs, selon ce qu'il amène, s'il vient avec sa voiture, son chien, son costume, si c'est la nuit, si c'est un dimanche, ça se passe entre 450 francs et 1200 francs. Et dans l'ensemble, vous fournissez toujours, il n'y a pas de rupture de stock. En 89, avec le bicentenaire, on a eu des difficultés. On a eu des difficultés très importantes même. 89, il y a eu un argent fou. Entre le spectacle vivant et l'audiovisuel. Là, on a été en rupture de stock, mais je parle en général, hein, pas de l'agence en particulier, qui a mené à la titularisation, si je peux dire, de 4 ou 5 000 personnes qui étaient peut-être plutôt amateurs antérieurement. Entre 88 et 89, on voit le stock de professionnels augmenter de 5 000 personnes. Tout à l'heure, je vous ai montré un papier. Dans lequel on nous demandait des figurants, mais entre parenthèses, sachant jouer la comédie. Bon, qu'on dise comédien. On ne dit pas comédien. Ce n'est pas le même prix. Est-ce qu'il n'y a pas une petite ruse qui consiste à demander un figurant, à lui faire jouer, j'allais dire, presque un rôle de comédien, mais à le payer comme figurant? Oui, ça a l'air d'être une ruse pour les clips. C'est une ruse qu'on ne peut pas développer au cinéma. Parce que c'est un secteur où les conventions sont mieux établies, les relations sociales du travail sont mieux définies. Mais pour la fabrication de clips, de pubs, oui, on est à la limite, là. Et on peut ruser de cette manière. Pour le cinéma, il y a quand même l'écart fatidique qui est la profération d'un petit mot. Bonjour, au revoir, entrez, sortez. C'est... Ah non, mais en plus, être 2-3 à l'écran seulement au lieu d'être 100. On s'approche de la silhouette et c'est déjà presque des emplois de comédien. Alors, quelles sont à peu près quelle est la hiérarchie? Si on essaie de faire une hiérarchie. Ah ben, la hiérarchie, c'est vous figurez dans une foule de 1000 personnes, dans une foule de plus de 100 personnes, dans une foule de moins de 100 personnes, vous êtes moins de 10 à l'écran, vous êtes seul à l'écran. Et après, vous avez deux mots à dire, ou plus de 3 mots en tout cas, hein. Voilà. À 3 mots, ce sont les... Vous franchissez comédien. Donc le comédien naît au 4e mot. Quelque chose comme ça. Oui. Bon, on va commencer par le sac. Ça roule, ça tourne. Alors, madame Danielle Michel-Simon, c'est quoi, là? Bon, alors, dans ce sac-là, justement, j'avais réuni. Alors, ça, voilà, ça, c'est ma jarretière. Je crois que je suis une des rares. Alors, c'est ma spécialité, moi, tiens, au fait. La jarretière. C'était quel genre de personnage? Bah, ça, c'était la femme de Petite Vertu, ça. Alors, ça, là, voilà. La jupe, hein. Voilà, jupe. Donc, c'est une jupe normale que, moi, vous voyez, j'ai décousue. Hein. Celle-ci, encore, elle est pas trop courte, hein, elle est... Si on veut que ce soit plus court, j'en ai une autre par là, ou alors je la replie. Hein. Ça, c'est une dentelle noire pour le haut, bon, qui est transparent. Ça, il y a l'écharpe, la fameuse écharpe rouge, là. Pourquoi la fameuse? Bah, je dis parce que je crois que je dois être la seule aussi à avoir ça. Bah, je suis bien contente, en fait, pas de compliment. Il y en a qui sont spécialisés avec des grandes bottes. Bon, moi, j'ai pas de grandes bottes, mais j'ai ma petite jarretière. Voilà, ouais, c'est mauve ça, c'est mauve ou violet, avec le petit nœud, le petit chichi. Il n'y en a qu'une, hein. Bon, voilà. C'est bon. Oh. C'est bon. Non, mais il n'y en a qu'une jarretière en plus. Bon. C'est quoi, là? Voilà. Alors, ça, c'est une écharpe dorée. Si on... J'amène deux, si par hasard. Ce quatrième mot, celui qui fait de vous un comédien ou une comédienne, Daniel Michel Simon ne l'a jamais prononcé. Depuis 20 ans, elle figure. Fille, un jour, nonne, un autre, souvenir et parcours. Par hasard, un jour, sur un journal, j'ai vu une petite annonce. Recherchons figurant pour tournage de film. Voilà. Donc je me suis présentée à l'époque, c'était une agence, et c'était un film pour monsieur Claude Lelouch. C'était un film où justement il fallait de nombreuses femmes qui représentaient les femmes de petite vertu. Il y avait Nicole Courcelles qui était donc la vedette, hein, sur une estrade, et qui faisait un discours en faveur et pour défendre les droits, pas de l'homme, les droits de la femme. Mmh. Alors pour votre ambition au départ, c'était quoi? C'était donc de travailler, gagner votre travailler, vie. Oui. Alors, est-ce que vous vouliez être figurante professionnelle, c'est-à-dire une sorte de silhouette qu'on remarque, ou alors actrice? Est-ce que vous espériez passer actrice? Bah écoutez, franchement, au début, hein, j'ai pas pensé précisément aux détails. Hein. Petit à petit, j'ai cherché d'abord les catalogues adéquats, oui, pour rechercher les productions, hein, petit à petit. Bon, après, alors, donc, ça a fait figuration, quelquefois silhouette. Donc, silhouette, c'est quand on est moins nombreux, qu'on est spécialisé. Donc, il se trouve que j'ai la mémoire des souvenirs. J'ai des souvenirs de qui datent de mon enfance, de 3 ans et demi, mais je n'ai pas la mémoire d'un texte trop long. Donc, ce n'est pas par manque d'envergure, mais de ce fait, je n'ai pas demandé de grands rôles. Voilà, c'est ça. Bon, ben, je me suis spécialisée. J'ai appris, mine de rien, parce que c'est quand même un métier qu'il faut faire avec sérieux. Faut pas rire quand il faut pleurer. Il faut pas non plus. Il y en a qui prennent ça pour une fantaisie. Il y en a qui vont aller manquer une journée de bureau pour faire du cinéma, de la figuration, pour rigoler. Bon, c'est pas le cas. Quand vous arrivez sur un plateau de tournage, vous allez voir d'abord qui? Comment ça se passe? Ben, c'est-à-dire que bon, on arrive. Nous sommes notés et nous devons signer. On doit signer à notre arrivée. Notre présence, nous sommes à l'heure. Hein, c'est la moindre des choses. Et quand mon cadige, Béguin Simon, est convoqué, eh bien, voilà, il vient. Il a l'habitude. Hein. Ah, c'est pas parce que c'est lui, mais il est formidable. Alors, vous travaillez avec votre chien? Oui, depuis quelques années, oui. C'est-à-dire que c'est un enrichissement à votre personnage? Oh, bah écoutez, oui, peut-être, mais en plus, eux, ils ont tout à gagner, hein, parce qu'il est vraiment formidable. Les animaux font de bons figurants? Bah, certains, oui, certains. Il faut avouer que. Puis je vous assure que c'est. Je vous jure, je suis honnête, hein, c'est pas parce que c'est lui. Mais alors, bon, la première scène, bon, il est là, il a fait. On doit la refaire. Bon, deux. Il me voit, on repart. Mais alors après, celui qui connaît le chemin, il retourne, et hop, et après, hop, il connaît le parcours. Mais là, il bénéficie peut-être de votre bonne influence. Ah, on ne sait pas, peut-être les ondes, peut-être, on ne sait pas. Hein. Et oui, c'est possible. Hein. Alors, on a parlé de bonne sœur, on a parlé de demoiselle de petite vertu, mais alors, quels sont vos autres personnages, votre palette de personnages? Oh bah il y a les comment vous pourrais bah il y a les personnages je sais pas moi les d'époque hein. Alors là l'époque quand on a fait les fameux films là pour 1789, alors là c'était les films avec costumes, bon costumes aussi bien donc paysannes de l'époque tel jour, et puis quelques jours après c'était les femmes au château de Versailles, là, dans la grande galerie des glaces. C'est vraiment savoir, justement, se transformer un jour aussi bien. Puis on est tellement transformé qu'on ne nous reconnaît pas, là. C'est là, hein. Autant quand on est paysanne, on nous met du noir sur le visage, on les bras, les mains, les ongles. On va jusque-là nous noircir en dessous les ongles. Hein, et on fait ça avec le sourire. Hein. Ah, même par le froid, on nous asperge de fausses pluies, parce qu'il a plu pour ce décor. Hein. Et hop, hein, et il m'a remarqué des fois, c'est quand même froid, hein, c'est dur. Hein. Qu'est-ce que vous avez connu de pire? Le pire? Ah, le pire, ben c'est quand il faut toute une nuit, justement, faire une scène très froide et mouillée. Bon, on nous change quand même. Hein. Ah oui, mais je crois que ça fait... On est tellement... Pour ceux qui aiment, hein, qui font le métier vraiment... Et je suis pas la seule à penser comme ça. Bon, on le fait. Hein. Et puis, si on a la chance, justement, de se retrouver entre personnes du métier, eh bien, il y a une telle ambiance. Puis alors, au moment où il y a la pause, parce que pas avant, bon, après, il y a un échange, on plaisante. Vous avez beaucoup d'amis dans le métier ? J'en ai peu, mais de qualité. Ah oui, j'ai oublié vous dire, moi aussi je fais la clocharde, hein. J'ai oublié de vous préciser ça dans les anecdotes. Je garde un tas de choses, quand j'ai un vêtement un peu déchiré, je me le mets de côté, je dis allez hop, ce sera pour le décor éventuellement de clocharde. Et puis s'il faut que le chien soit, évidemment, là en ce moment il est pas coiffé à la dernière mode. Alors, on peut le mettre en clochard. Mais alors, si c'est pour être chic, admettons, il faut que je précise, pour toilette de luxe de Béguin Simon, prévenir quand même 3-4 jours d'avance que je l'emmène à la toilette avant, quand même. Hein. Alors c'est... là, il sort, on dirait la panthère rose. Ils me veulent en boniche. Allez, hop. Au besoin, s'ils veulent, enfin, je le mets sur le CV. J'ai des plantes vertes. Hein. Gabrielle Roux, elle, a reçu pour mission de discipliner la horde de figurants massés par Jacques Rivette autour de Jeanne d'Arc. Aram, lui, pilote la FICAP et fournit à la demande flics, passants ou autres. Alors, passons commande. Il y avait un petit détail physique, mais qui importait beaucoup à Jacques Rivette. C'était des hommes sans barbe. C'était un choix, comme ça, qu'il avait décidé. Pour les femmes, on demandait des cheveux longs impérativement, parce qu'évidemment, il n'y a que Jeanne qui se coupe les cheveux, mais les femmes au Moyen-Âge portaient les cheveux longs. On pense toujours que les gens au Moyen-Âge sont très très laids. Alors quand on voit le casting du Nom de la Rose, par exemple, c'est un casting merveilleux, parce qu'il y a vraiment des tronches incroyables. Moi, je trouve que c'est vraiment un choix, parce qu'il y a aussi des gens qui sont pas forcément très très laids, on peut aussi prendre des gens beaux. Alors, les gens, vous les receviez un par un, et vous posiez des questions, parce que, bon, il y a des effets de groupe, les gens sont plus ou moins singularisés. Comment ça se passait ? Vous faisiez des auditions cas par cas ? Première chose, c'est d'effectivement prendre les gens individuellement, prendre des photos d'eux, déjà voir comment ils se comportent devant l'appareil, parler un peu avec eux pour connaître leur motivation, on sent comme ça s'ils seront tirés au flanc ou si vraiment ça les amuse et ça les intéresse. Dans la plupart des cas, ça les intéresse beaucoup de voir comment se déroule un tournage. Essayer de sentir s'ils seront patients, parce qu'il faut énormément l'être, parce qu'on recommence plusieurs fois les choses. Alors, ils n'ont pas un peu l'espoir secret d'en faire plus que prévu ? C'est toujours ça, le figurant. C'est celui qui espère que le second rôle va se fracturer le crâne de manière à prendre son casque. Il y en a assez peu. En fait... Souvent, ce sont les parents des enfants qui viennent présenter leurs enfants pour le casting, qui poussent leurs enfants à faire ça. Les enfants n'ont pas toujours envie de le faire et qui espèrent toujours que le metteur en scène les repérera et fera d'eux une vedette en première page de tous les journaux. Et pour les adultes, finalement, il y a un peu moins de naïveté. C'est plutôt de la curiosité, voir comment ça se passe de l'autre côté d'une caméra. Il y en a qui aspirent vraiment à devenir comédien et d'autres vraiment non, ça les intéresse pas, ils veulent juste rester figurants. Ils sont au courant normalement de toutes les productions qui se font, que ce soit Paris ou province. Ils envoient leurs photos, ils envoient leur candidature, ou sinon ça passe directement par la NPE qui essaye de les mettre en contact. Bon, c'est vrai que c'est eux qui tournent le plus. Bon, ils essayent de fermer un peu ce secteur de figurants, parce que il y a un peu le mythe de je vais faire du cinéma, je vais commencer par de la figuration. Oui et non, c'est-à-dire c'est quand même très difficile, comme je t'ai dit, il y a 3000 figurants entre guillemets professionnels ou sinon c'est en tout cas inscrit à la NPE de Paris, hein, donc ça fait, c'est quand même énorme. On s'inscrit à la NPE une fois qu'on a fait 2 ans de cours dans un atelier de théâtre, on rentre dans le fichier en tant que figurant. Donc bon, il y a déjà le choix. Alors, ceux qui désirent vraiment démarrer dans ce milieu, automatiquement, ils se retrouvent confrontés à ces figurants-là, aux figurants professionnels. Donc, et ces figurants professionnels essayent, bien tant que mal, de fermer le secteur pour pas qu'on aille chercher des figurants dans la rue. Parce que c'est vraiment leur métier. Il y a vraiment un métier figurant. Hein. On appelle ça acteur de complément. C'est plus joli, c'est un petit peu plus joli. Les figurants ne sont pas vraiment acteurs. C'est-à-dire, ils sont acteurs dans une masse, acteurs en foule ou en toile de fond. En fait, ils voient la préparation de la caméra, les travelling, etc. Une fois qu'ils sont dans l'action, ils sont concentrés dans ce qu'ils font. Il n'y a pas tellement de danger à ce niveau-là. Sauf parfois des gens un peu mécontents qui essayent de se détacher du groupe et de faire en sorte qu'on les voit plus que d'autres. Alors ça, c'est la catégorie du figurant qui en fait trop. Alors ça, c'est dangereux, ça fait tâche. C'est un peu embêtant parce que ça gêne, ça fait tâche, c'est très joli, parce que ça agace le metteur en scène. C'est embêtant pour celui qui l'a convoqué, en l'occurrence moi pour ce film, parce que j'aurais dû voir ça lors du casting et de l'entretien. C'est une perte de temps et ça c'est très grave. Alors vous demandiez du maniement d'armes pour l'audition ou comment vous leur mettiez une massue en main ou quoi? En fait, il y avait un cascadeur, Philippe Guégan, qui s'occupait d'organiser les batailles et c'est lui qui a choisi. On a fait des essais avec une trentaine de figurants et je dis une trentaine, c'est plutôt 50. Et il en a choisi une vingtaine qui serait au premier plan lors des batailles. Et il y a eu 2 ou 3 jours de travail pour qu'il y ait un maniement d'armes crédible. Pourquoi ? Parce qu'au départ, ça se battait n'importe comment ou ça osait pas trop taper ? Ça se battait surtout n'importe comment. Et puis il y a une espèce d'euphorie. Enfin, c'est drôle. Souvent, c'était des garçons de entre 20 et 30 ans. Et c'est très, très amusant d'avoir une énorme massue ou une grosse épée très lourde et de s'amuser à taper sur son petit copain. Vous avez des souvenirs de figurants particulièrement, comment dirais-je, scrupuleux qui ont assommé le voisin, non ? Ah, vous voyez, oui, il y a un garçon qui s'est blessé parce qu'il a pris un coup d'épée par son petit camarade, avec lequel il s'est entraîné d'ailleurs. Mais bon, c'était pas très grave. Il y a eu une petite anecdote également d'un des soldats que quelqu'un a pris pour un mannequin et qui a voulu mettre une hache pour faire plus crédible. Bon, il y a rien de grave, mais qui s'est rendu compte au dernier moment que ça n'était pas un mannequin, mais un vrai soldat. Alors, je me souviens que Yves Boisset raconte que pendant le tournage de son film RAS, qui est un film pas très rigolo sur la guerre d'Algérie, il avait engagé des étudiants pour jouer des CRS. Et qu'il est obligé d'arrêter tout parce que, j'allais dire, le rôle leur collait tellement à la peau qu'ils étaient en train d'exterminer les malheureux. Vous savez, il y a eu un moment où on embarque dans un train des objecteurs de conscience, je sais pas quoi, ou des déserteurs. Alors, est-ce que vous avez été obligé de réfréner par moment, j'allais dire, la troupe tout entière? Oui, c'est arrivé, notamment pendant les assauts, parce qu'il y a un groupe de figurants qui se rue sur les tourelles d'Orléans et quand on refait plusieurs fois la scène, l'excitation monte, les cris deviennent de plus en plus forts et c'est très très difficile de retrouver un peu de discipline sans être désagréable et sans être chef ten scout. Là, c'était un peu difficile. Et les figurants, pour toute la partie des batailles, les soldats étaient les mêmes. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont travaillé pendant 15 jours, 3 semaines. Donc il y a des groupes qui se forment, et les garçons et les hommes deviennent amis entre eux. Ils sont dirigés par une femme. Et je sentais que le moment arrivait où j'allais avoir beaucoup de mal à tenir cette cinquantaine d'hommes et de combattants. Alors, à la fin, est-ce que les gens arrivent à quitter leur rôle ou est-ce qu'au contraire, il y a une espèce d'intoxication qui se crée ? Comment un figurant peut arriver à se détacher, surtout dans un film pareil ? Je pense qu'ils ne s'attachent pas tellement à leur rôle. justement par ce phénomène de masse, ils ont tous les mêmes costumes, ils sont complètement cachés par leurs costumes, avec les casques, les ventrières, les côtes de mailles. Donc, une fois la journée de tournage terminée, ils quittent avec bonheur leurs chausses et leurs côtes de mailles, parce que je crois que c'était très, très désagréable à porter. Et ils oublient complètement qu'ils étaient un soldat sous la coupe de Jeanne d'Arc. Pour certains figurants, l'espoir est inévitable d'arriver à placer quelques mots, d'être marqué comme acteur, engagé comme acteur et de démarrer comme ça un peu incidemment une carrière. Mais il y a les figurants qui veulent rester figurants. Alors ça, c'est mystérieux, parce que quand on fait du cinéma, normalement, on est appelé, on aspire à autre chose. C'est souvent les figurants, ils ont souvent peur de passer le cap entre figurant et comédien. Pour un comédien, c'est très difficile. Le réalisateur lui demande vraiment quelque chose de particulier, lui demande vraiment un travail lorsque le mot moteur retentit. Bon, automatiquement, les figurants professionnels qui sont là, s'ils ne s'en sentent pas capables, automatiquement, ils ne feront pas le pas d'aller rechercher un petit rôle. C'est très difficile. C'est vrai que c'est un autre métier. Comédien, c'est un métier. Figurant, c'est vraiment un autre. Yeux bleus, taille d'ours et disponible 12 heures par jour, il n'en a pas fallu plus à François Le Calvez pour être enrôlé dans la SS. Mais c'était, rassurons-nous, sur le plateau géant de Paris brûle-t-il. La production exigeait, plus exactement, des hommes grands, blonds ou châtain clair, les yeux bleus. Grands, faut entendre par là, plus d'un mètre 80. Alors, il m'avait donc, comme je correspondais exactement à ce, et que je correspond encore exactement à ce qu'il fallait, il m'avait donné le choix entre SS ou GI. Malheureusement, GI, il y avait des déplacements en province et le métier que j'exerçais à l'époque ne me permettait pas les déplacements en province. J'ai donc opté pour SS. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la gare de Pantin en compagnie, excusez du peu, d'Orson Welles, de Leslie Caron et d'Anthony Perkins. Alors, comment s'est passé d'abord, première étape, l'habillage en SS? Alors, l'habillage en SS, ça a eu lieu au gymnase de Pantin. Et il y avait plusieurs camions de vêtements, puisque en tous les SS, on était 600 dans la gare, plus cet officier qui était un acteur allemand et qui avait avalé son sabre et qui avait fait ça visiblement toute sa vie. Et donc, nous rassemblés tous les 600 dans le gymnase de Pantin et on a choisi ce qui nous allait. C'était très bien répertorié d'ailleurs. Alors le matin, vous arriviez habillé en SS par le métro Non, heureusement. Le matin, non, on arrivait par le métro, on s'habillait sur place, on était transporté sur le lieu du tournage. Et d'ailleurs, je veux dire à l'occasion que visiblement, ils avaient sorti... moi, j'avais été très impressionné par ça, parce qu'ils avaient sorti d'abord un train pour le tournage, plus un autre train de marchandises, deux trains de marchandises, pour masquer le reste de la gare de Pantin. Et puis, ils avaient amené, entre autres, 5 bus de la RATP de l'époque qui venaient du musée des transports. En plus, ils avaient amené du matériel allemand, notamment un sidecar, et puis des voitures de FFI, des tractions de FFI. Il y avait tout un matériel très, très, très, très impressionnant. Mais c'est quand même un peu impressionnant et malsain d'être habillé en SS. Alors, en ça nous a valu quelques problèmes. Porter une vareuse et un casque pendant des heures en plein soleil, ça a été assez redoutable. Et on a eu des problèmes parce que quand on ne tourne plus, bon, il y a la pause quand même. Et on va déjeuner dans les bars aux alentours de la gare. Or, à l'époque, il faut se rappeler que la ceinture de Paris était une ceinture rouge. Oui, ça a peut-être changé depuis. Et ça nous a valu quelques problèmes avec les habitants, ce qui fait qu'on a dû se faire escorter de la vraie police, parce qu'il y avait en plus une fausse police, hein, qui était des figurants déguisés en policiers de l'époque. Et une vraie police, celle-là, pour éviter les heurts, les éventuelles heurts. Alors, je précise qu'on était porteur d'une Schweitzer, qui était une mitraille, qui était une vraie, mais dont on avait retiré le chien de détente, et d'un poignard qui, lui, était faux. Alors... Racontez-moi ça, vous avez votre costume sur le dos toute la journée, toute vous la finissez journée. Par oublier quel costume c'est à force de le porter, ah, et puis on, tout naturellement, vous vous baladez dans les rues habillé en SS. On n'y pense pas, on est toute la journée habillé, sauf qu'on enlève le casque parce que là-dessous c'est effrayant. On se baladait des 600 en SS, dans Pantin, et ça nous a vraiment valu de gros problèmes, notamment avec la population âgée. Au mieux, ils nous disaient j'arrive plus à revoir ça. Vraiment, déjà, on sentait qu'ils avaient vraiment les boules de nous voir, mais c'était pas de notre faute. Et puis, de toute façon, moi, je crois que ce genre de film, il faut les faire parce qu'il faut montrer ce que c'est que le nazisme. Quoi. Voilà. Bon. René Clément dirigeait comment ces figurants? Je me souviens, il m'a dirigé personnellement parce qu'il y a une séquence où on est deux et on doit embarquer une pauvre dame, on doit l'acheter. Dans l'un de ces wagons. Et j'étais donc avec mon alter ego, aussi grand et aussi costaud que moi, et cette pauvre dame passait carrément derrière les affiches sans les coller, et en plus sous notre bras. Donc on s'est regardé, on s'est dit, on va la tuer. C'est pas possible. Alors, la première séquence, on l'a quasiment déposée délicatement dans le wagon. Mais René Clément, il n'a pas été content du tout, parce qu'il faut savoir que le mettre de pellicule, ça coûte cher et tout le bazar. Il nous a dit, vous êtes des SS, vous le flanquez. Alors, il avait décidé d'instaurer dans le wagon, on ne la voyait pas, un comité d'accueil. C'est-à-dire des gens destinés à recevoir la pauvre pour le cas où. Et on n'arrivait pas parce qu'on s'est dit, la pauvre, elle passera pas la fin de la journée. Il y a eu 15 prises. À la 15e prise, le comité d'accueil s'est oublié. Elle a traversé tout le wagon. Ça lui a voulu 8 jours d'hôpital. Bon, et il a viré tout le wagon. De toute façon, j'aurais pu faire alterner tout aussi bien SS et GI dans le film. Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui ont tourné sous l'uniforme SS et sous l'uniforme GI. Ça les a pas arrêtés. Moi, la figuration, je ne la vois pas comme de la figuration simple. Ici, on est sur une scène parmi les meilleurs danseurs du monde. Il est nécessaire d'avoir des gens qui évoluent sur scène autrement que dans le cinéma, autrement qu'une foule, que quelqu'un qui boit un verre, quelqu'un qui marche dans la rue. Et on a besoin de gens qui aiment la scène, qui en sont... fou, amoureux. On aime voir des gens évoluer comme des danseurs. Sur une scène de danse, il n'y a pas de figurants, mais des silhouettes qui feignent et se retiennent de danser. À l'Opéra Garnier, c'est à Carla Gaïda d'enthousiasmer et de canaliser les figurants, ou plutôt les artistes de complément, parmi eux Sophie et Christophe. Moi, si je pouvais choisir que des danseurs et des comédiens, je le ferais, effectivement. Si tous les danseurs de la Terre étaient libres et tous les comédiens de la Terre étaient libres pour faire de la figuration à Garnier, ça serait parfait. Mais la demande est simple, il faut qu'ils soient libres, dans les dates précises. Il y a des répétitions avant les spectacles, il y a des horaires précis, il faut... Voilà, la demande en elle-même, moi j'appelle, j'ai des fichiers de comédiens, de danseurs, autres aussi, j'ai des mannequins, j'ai des choses, je reçois énormément de CV, énormément, pas beaucoup de danseurs d'ailleurs, je l'avoue, j'aimerais avoir plus de danseurs dans mes fichiers, ils sont souvent pris, heureusement pour eux, c'est toujours pareil, ici c'est des danseurs, et il faut des gens qui bougent comme les danseurs, ça y a pas de miracle, et... Dans l'opéra lyrique, il est possible d'avoir des personnages extravagants comme ça qu'on peut avoir aux côtés des chanteurs. Mais ici, c'est des jeunes danseurs, tous très beaux, tous très, très souples, tous très, très jeunes, une compagnie jeune. L'opéra, en ce moment, il y a beaucoup de jeunes danseurs. Et les figurants doivent ressembler aux danseurs, je le répéterai toujours. Et les spectateurs... les fous des jumelles, toujours en train de regarder au fond de la scène, ne devraient pas voir la différence entre le figurant et le danseur. C'est pas donné à tout le monde d'être figurant chez les danseurs à l'Opéra Garnier, parce qu'il faut, vraiment être sur scène, être présent, avoir, savoir aussi prévoir les accidents, les petites choses, et tout de suite parer le mauvais coup qui peut arriver, ou s'il y a quelque chose qui tombe sur scène, avoir la présence d'esprit d'aller le chercher, le ramasser, le ramener dans les coulisses. Oui, voilà, il faut faire ça intelligemment et puis être danseur, finalement, que le spectateur qui vient à l'opéra, qui prend ses jumelles, comme disait Carla, il ne faut pas qu'il voit la différence. Il faut que ça soit esthétique, toujours. Il ne faut pas être le même en coulisses et sur scène. Il faut qu'il y ait la magie de la scène qui arrive tout d'un coup et on est acteur, comédien, danseur et c'est la scène, point. On est sur scène, on n'est pas sur scène comme à la ville. On dit plus figurant aujourd'hui. Si. Non. On dit artiste de complément. Alors que pensez-vous de cette expression qui est en train de détrôner, qui a déjà détrôné juridiquement à la NPE, notamment le mot de figurant? Ce sont des artistes avant tout. Oui, surtout que souvent, dans la légende populaire, le terme figurant, c'est pas un mot péjoratif, mais ça peut passer pour péjoratif auprès de certaines personnes qui ne connaissent pas d'ailleurs, c'est pas par ignorance, non pas par... par malveillance, mais c'est vrai que des fois j'entendais dire oui, figurant, c'est quand même. C'est vrai que le mot artiste de complément, déjà il y a artiste, on se sent. Moralement, déjà on se sent mieux, on se sent un petit peu plus important, on se sent plus proche des artistes à part entière, des étoiles, des danseurs, ou des comédiens au cinéma ou au théâtre ou autre. Je vais proposer une définition du figurant chorégraphique, c'est quelqu'un qui montre qu'il pourrait danser. Du moins qui pourrait se fondre parfaitement avec le danseur. Autrefois, d'abord, on était très nombreux. Il y avait beaucoup de représentations, pratiquement tous les jours. Alors que maintenant, nous sommes peu. Ils ont évidemment peu d'ouvrages. Mais par rapport à autrefois, je pense qu'on est plus considérés, d'abord par les chanteurs. Nous sommes un peu complices sur scène parce que nous avons un travail plus intelligent à faire. Alors qu'autrefois, c'était une foule un petit peu insolite qui passait, qui revenait, qui n'avait pas du tout le même jeu que maintenant. Maintenant, on a un jeu très très important sur scène qui est presque du mime. Et qui est par moments assez difficile à faire d'ailleurs. Enfin, quand on veut le faire bien. Si on le fait évidemment avec des involtures, mais si on veut le faire avec beaucoup de soin, ça devient un travail très intéressant. C'était Grand Angle, proposé par François Angelier. Aujourd'hui, le physique de l'emploi, ou être figurant. Casting Ivan Kamenerovitch, André Jarion, Christine Larenaudie, Nicolas Marty, Gérard Cohen, Edgar Dana, Daniel Michel et Béguin Simon, Aram, Gabriel Roux, Carla Gaïda, Sophie et Christophe. Équipe technique, Christian Prévost, Philippe Dupin, François Le Calvez, Jean Fèvre, André Hautser. Réalisation, Brigitte Aléo.